Voici les six poèmes que j'ai choisis pour vous dans le recueil de Paul Verlaine, La Bonne Chanson, publié en 1870. Puisque l'aube grandit, puisque l'aube grandit, puisque voici l'aurore, puisqu'après m'avoir fui longtemps, l'espoir veut bien revoler de vers moi qui l'appelle et l'implore, puisque tout ce bonheur veut bien être le mien, ça n'est fait à présent des funestes pensées, ça n'est fait des mauvais rêves, ah, ça n'est fait surtout de l'ironie et des lèvres pincées et des mots où l'esprit, sans l'âme, triomphait. Arrière aussi, les poings crispés et la colère à propos des méchants et des sots rencontrés. Arrière la rancune abominable, arrière l'oubli qu'on cherche en des breuvages exécrés. Car je veux, maintenant qu'un être de lumière a dans ma nuit profonde émis cette clarté d'une amour à la fois immortelle et première, de par la grâce, le sourire et la bonté, je veux, guidé par vous, beaux yeux aux flammes douces, par toi conduit, aux mains où tremblera ma main, marcher droit, que ce soit par des sentiers de mousse ou que rocs et cailloux encombrent le chemin. Oui, je veux marcher droit et calme dans la vie, vers le but où le sort dirigera mes pas, sans violence, sans remords et sans envie. Ce sera le devoir heureux au gai combat. Et comme, pour bercer les lenteurs de la route, je chanterai des airs ingénus, je me dis qu'elle m'écoutera sans déplaisir, sans doute. Et vraiment, je ne veux pas d'autre paradis.